Ce vendredi, à la vie en BD, deux bandes dessinées qui explorent à leur façon la ville de Québec et moult commentaires BD. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, toujours pour parler 9e art, pour explorer la bande dessinée sous ses différentes formes et avec plus que deux publications cette semaine dont on vous parlera plus en détail. Alors notamment Colis 22, donc un polar autour de la livraison en vélo à Québec, retour à la BD de Marcy après... Miam Miam Fléau, il y a quelques années du côté de la Pastèque. Alors l'auteur sera avec nous en studio en deuxième partie d'émission. Également, dans quelques instants, on aura l'occasion de jaser avec Jean-Philippe Bergeron de la maison d'édition Berber 1313 au sujet, entre autres, du quatrième tome de leur série Bulle, où les zombies envahissent la ville de Québec et par la suite le monde. Sinon, des commentaires BD, ceux de Marco Duchesne en fin d'émission, et également ceux de Stéphane Gravel à la mi-parcours. Je disais bande dessinée, mais évidemment, on explore aussi d'autres formes. On avait consacré il y a quelques semaines de ça une émission spéciale au sommet du cinéma d'animation. Eh bien, on a connu tout récemment les lauréats des prix qui ont été décernés à la soirée de clôture de la 13e édition à Montréal. Parmi les 108 films présentés en compétition, 7 réalisateurs de courts-métrages sont vus remettre un prix. Donc, les grands prix du sommet ont été remis à Hippopotami de Peter Dumala de Pologne. Un prix qui est attribué, nous dit-on, pour la qualité du dessin, la beauté de la chorégraphie, pour la musique et, largement, pour la puissance évocatrice, élégiaque et mythique. Le prix spécial du jury dans la compétition internationale a couronné, le film Hazel of Seals d'Edmund Janssens de Lettonie. Le prix Guillaume Côté pour le meilleur film d'animation canadien a été attribué, lui, à You Look Like Me de Pierre Hébert. Ensuite, dans la catégorie canadienne, le jury a également remis une mention à Jutras de Marie-Josée Saint-Pierre, documentaire évidemment autour de Claude Jutras, un moment privilégié, nous dit-on, avec justement ce protagoniste avec un montage énergique. Pour ce qui est du jury étudiant, on a remis le prix à Loop Ring Chop Drink de Nicolas Ménard du Royaume-Uni et Ab Oro d'Anita Kwitwankwa Nakvi de Pologne a reçu une mention pour l'ambiance, l'audace et la prouesse technique de son film. Alors, le prix du public, pour sa part, a été décerné à Fugue for Cello, Trumpet et Landscape de donc Jerry Kuchia de Pologne. Voilà. Si vous voulez avoir le détail et les justificatifs du jury, ben, vous pouvez aller faire un tour sur le blog de La Vie en BD, laviembd.wordpress.com. Vous y trouverez également les émissions disponibles en podcast. Sinon, autre prix qui a été remis, celui de la critique 2015 de l'Association des critiques et journalistes de bandes dessinées. Ils ont couronné des Espagnols Antonio Altarriba et Keiko pour Moi Assassin chez De Noël, une BD qui est l'histoire cruelle et pathétique d'un professeur d'esthétique englué dans les rivalités académiques et devenu tueur en série pour appliquer ses théories radicales sur l'assassinat considéré comme l'un des beaux-arts. Pourquoi ce prix pour Moi Assassin? Ben voilà l'explication de la CBD. On l'écrit Moi Assassin comme, et j'ouvre les guillemets, un roman graphique noir et rouge, un polar urbain amoral qui brosse un portrait acide de l'Espagne contemporaine, confronté notamment à la question basque et qui porte une réflexion brillante sur la représentation de la beauté du monde. Alors voilà pour ces deux clins d'œil. En musique cette semaine, évidemment, comme l'habitude, on reste dans la sphère de la 8-bit et la formation qu'on écoute, c'est Metronome Nom Nom avec leur album... c'est Psylodump avec leur album Metronome Nom Nom et on en écoute immédiatement un premier extrait. We'll be right back. Et voilà, donc, courts extraits musicaux qui jalonneront l'édition de cette semaine de La Vie en BD. De la musique, d'ailleurs, que vous trouvez sur l'étiquette web 8-Bit People. Et maintenant, on a le plaisir d'être en compagnie de Jean-Philippe Bergeron, auteur, scénariste, en fait, de la série Bulle aux côtés de Damien Berger, et également ben, responsable éditeur chez Berber 13-13. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour. Alors, la dernière fois qu'on s'était parlé, le printemps dernier, toi et ton équipe travaillaient à mettre sur pied une maison d'édition, Berber 13-13. Maintenant, c'est essentiellement chose faite, les activités officielles sont lancées. Ouais, voilà, c'est chose faite depuis, en fait, c'est le mois d'août dernier, là, c'est officiel, on travaille avec d'autres auteurs présentement, donc on a plein de beaux projets pour 2015-2016, en plus de nos livres, là, Bulles. Oui, parce que l'idée, c'est ça, c'est de se diversifier un peu, parce que pour l'instant, vous avez un peu appris le métier, si on peut dire, ou les prémices de la chose avec la série Bulles. Ouais, vraiment, ben nous, tu sais, quand on a commencé à écrire Bulles, on a juste pensé à écrire l'histoire, on s'est consacré là-dessus, ça a pris environ 3 ans, ben 3 étés peut-être, là, en tout et partout, puis donc on pensait pas aux moyens de production, donc on t'a déjà raconté l'histoire, là, mais donc on a vraiment appris le métier quand on a publié le premier tome, le deuxième, le troisième par la suite, puis ben là maintenant je pense qu'on a beaucoup appris justement, puis on peut travailler avec d'autres auteurs, le but étant d'enraciner des récits fantastiques dans la réalité québécoise. Oui, parce qu'on reste dans le fond dans la bande dessinée de genre, si on peut dire. Oui, oui, oui, vraiment, on se spécialise là-dedans, les récits fantastiques en bande dessinée dans la réalité québécoise, mais pas seulement la région de Québec, là, on a des histoires qui se passent un peu partout, puis ça peut être un futur proche ou très éloigné dans 1000 ans, mais comme dans 5 ans, en fait, là, comme Bulle, en fait, qui est seulement dans 10 ans. On travaille avec d'autres histoires différentes, là. Oui, puis effectivement, enfin, on dirait que le fantastique dans le Québec, si on peut dire, ou l'exploration du territoire comme bassin d'histoire fantastique est pas tant exploité que ça. Il y a eu La Bête du Lac chez Glénat, il y a, bon, Franfroy qui fait des histoires, je pense à Hiver nucléaire notamment, mais c'est plus des exceptions que la règle, si on peut dire. Oui, voilà, c'est des belles exceptions, ceci dit, mais c'est ça, il n'y a pas de maison d'édition là, qui se spécialise là, vraiment en histoire fantastique, puis enracinée dans la réalité québécoise, en fait, il n'y en a pas du tout, parce que nous, on veut vraiment peupler, magnifier le territoire québécois, donc on veut, quand des auteurs nous proposent des histoires qui se passent aux États-Unis, ou ben nous, malheureusement, l'histoire a beau être très bonne, on va dire non. Le but, c'est vraiment de peupler le territoire québécois de créatures, d'histoires fantastiques, merveilleuses, imaginaires, vraiment pour un peu, bon, là, on va dire ça en toute humilité, mais un peu faire ce que Marvel a fait dans les années 50 avec ses histoires. Spider-Man allait de building en building à New York, puis maintenant, il y a des touristes d'un peu partout au monde qui vont à New York expressément pour voir ces lieux-là. Donc, un peu la lignée de Heroes of the North aussi, Captain ouais. Canuck, des choses comme ça. Voilà. Mes versions francophones. Voilà, exactement. Et parallèlement, en fait, c'est de la distribution indépendante aussi. Et dans les communications autour de Berber 13-13, vous dites que c'est indépendant, mais c'est aussi hors du circuit des subventions. Et vous en faites un peu une fierté. Pourquoi? Et pourquoi ce choix-là aussi? Ben, pourquoi ce choix-là? Parce que c'est ce que ça me fait rire, mais c'est parce qu'en fait, c'est un état de fait, là. En fait, c'est ça qui se passe en ce moment. On fonctionne en dehors du circuit des subventions. On se distribue nous-mêmes. On n'est pas comme réactionnaire par rapport au système en ce moment, mais pour l'instant, faut faire notre place. Donc, faut aller voir les libraires nous-mêmes. Puis on aime d'ailleurs aller voir les libraires, aller les rencontrer. On a toujours un très bon contact avec tous les intermédiaires, les distributeurs, tout ça. Ben, on perdrait ce contact-là, puis on l'aime beaucoup, en fait, ce contact-là. Puis donc, au fur et à mesure qu'on développait notre réseau de distribution, qu'on allait rencontrer les gens, ben, on se rendait compte qu'on aimait ça. Puis on s'est mis à revendiquer cette façon de faire que l'on a depuis le début. Mais on n'est pas fermé non plus à grossir, à peut-être intégrer ce système-là, mais on se questionne beaucoup, en fait, sur la pertinence. La pertinence de tous ces intermédiaires-là, mais en se questionnant, on le nie pas, là. On fait juste se questionner. On philosophe à propos de ça. Mais vous expérimentez de votre côté, vous voyez un peu comment vous êtes capable de débroussailler ça. Et en même temps, c'est aussi, tu le disais, vous apprenez le métier aussi, donc j'imagine que c'est de vous donner un moment pour explorer les possibilités dans un cadre et ensuite de voir les possibilités de dépasser, de l'éclater, etc. Exactement. On est des observateurs, en fait. Là, on regarde, on observe tout ce qui se passe, on regarde les intermédiaires, on rencontre des gens, on parle beaucoup à tout le monde, puis on apprend, c'est ça. Et en même temps, ben, ça marche quand même pas si mal. De ce que j'en ai compris, au fil de l'automne, vous avez atteint et ou dépassé le 1000 copies pour le premier tome de Bulle. Ouais, voilà, on n'a pas dépassé le 1000 parce que parce qu'on en avait 1000. Donc là, on tombe en réédition du premier tome. Donc là, il va y avoir la deuxième édition qui va sortir probablement pour le Festival des Univers Givrés, en fait, à Shawinigan. Brian Perrault fait pour la première année un Festival glacial des Univers Givrés, donc au mois de février. Donc probablement là, qu'on va être bon pour avoir la deuxième édition du premier tome en février prochain. Mais pour l'instant, je sais qu'il y a quelques librairies. Là. Quand je dis qu'on a vendu 1000, on est peut-être autour de 950, là, mais il y a quelques librairies au Québec où est-ce qu'il nous reste des exemplaires, mais d'ici les fêtes, ça va être terminé. Et c'est quand même pas rien. Fait qu'en considérant qu'en quelques années, dans le fond, justement en faisant les salons, en allant le porter vous-même à différentes librairies, d'atteindre ce chiffre-là, on doit avoir une certaine satisfaction. Là. Je me mets à ta place, là. Je me dis, ça, je me flatterais la bedaine un peu. On se pète pas trop la bedaine parce que 2015 est rempli de défis assez hallucinants, mais non, on est vraiment très, très, très, très fiers, surtout qu'on est à temps plein sur cette maison d'édition-là seulement depuis mars. On était à temps partiel avant ça. J'étais aux études en enseignement. Damien travaillait au J.A. Moisan sur la rue Saint-Jean en haut. Donc, c'est seulement depuis 6 mois, là, 6-8 mois, en fait, qu'on est à temps plein là-dessus. Fait que oui, on est extrêmement fiers, en fait, de ce qu'on a accompli. Et vous avez choisi de fonctionner aussi pour la série Bulle un peu à la manière d'un studio. Et là, j'ai l'impression encore plus avec l'arrivée de William Côté, parce que dans le fond, vous avez des scénaristes, vous avez des dessinateurs, un dessinateur, vous avez un coloriste. Donc, c'est vraiment un peu travail, je dirais pas à la chaîne, mais chacun avec sa spécialisation, dans le fond. Exactement. Je suis content que tu dises que c'est pas à la chaîne, mais oui, il faut un rythme de production vu que ça sorte à chaque 6 mois. Puis on accueille dans notre équipe une nouvelle personne au crayonné puis à l'ancrage, Valérie Dandois. Donc, Guillaume Demers a dû nous quitter pour après le quatrième tome parce qu'il faut qu'il relève d'autres défis, en fait, professionnels. Donc, Valérie Dandois se joint à nous au crayonné et à l'ancrage. Puis, William va continuer à faire la couleur. Marie Lamontimer continue à faire nos pages couverture et les pages chapitres, puis est très, très, très présente dans le projet aussi. Fait que, ouais, on aime bien ça. Puis, Marie aussi travaille avec William, puis Valérie. Elle reste pour les conseillers, tout ça. Donc, très impliquée dans le projet. Encore. Oui, puis en fait, vous arrivez à mobiliser quand même pas mal de gens autour de ça. Donc, dans le fond, ça devient un peu un mini-studio. Je pense que le terme est bon et l'image est assez bonne. Un peu, ben, on revient à la comparaison Marvel au bout du compte. Ben oui, voilà. Mais ça s'est fait spontanément. Puis en étudiant, parce que comme on te l'a déjà dit, on vient pas du milieu de la BD. Donc, c'est en voyant comment on fonctionnait, en voyant un comparatif, en étudiant ce que Marvel a fait, qu'on se rend compte que finalement, on fonctionne exactement de la même façon. On le savait qu'on était à la jonction de la tradition européenne, de la tradition américaine avec Bulle, là, mais visiblement, même notre façon de travailler là, s'inspire un peu de la façon américaine. Ouais. Et en même temps, Jean-Philippe Bergeron, je repense un peu à nos premières rencontres, justement, ici à La Vie en BD. Et on avait parlé notamment du fait que c'était, bon, une 13 tomes avec un objectif 2020. Au début, je me disais, mon Dieu, c'est un objectif imposant, si on peut dire. Mais en même temps, j'ai comme l'impression que vous êtes donné comme une espèce de plan 2020 ou d'objectif 2020 parce que, après 3 ans, vous êtes déjà rendu à une étape de formaliser un peu votre mode de maison d'édition. J'imagine qu'il va y avoir d'autres étapes comme ça. Et donc, d'une certaine façon, c'est de construire presque une structure entrepreneuriale autour d'un projet long terme, puis de voir, j'imagine, ce projet-là évoluer au fur et à mesure que vous, comme éditeur, comme producteur, vous évoluez aussi. Ah, c'est tout à fait ça. Là, on a clairement, nous, en 2014, on a commencé ça à l'été 2013. Alors, en 2014, ça a été l'année du plan d'affaires. Donc, on a fait l'étude de marché. On est donc le créneau qu'on s'était dans lequel on s'était logé, on se l'est approprié en quelque sorte parce que le créneau était vacant, hein, comme on en parlait tout à l'heure. Il y avait personne qui était spécialisé dans la BD fantastique, alors qu'il y a des maisons d'édition aux États-Unis qui se spécialisent seulement là-dedans. Donc, on savait qu'il y avait une place à prendre sans faire de mal à personne. Donc, seulement en travaillant avec des collaborateurs pour ceux qui font du roman fantastique, pour ceux qui font du fantastique, mais qui sont pas nécessairement racinés dans la réalité québécoise. Donc, on a fait notre étude de marché, on a fait notre plan d'affaires, bon, la planification financière, tout ça. Puis oui, effectivement, maintenant, ben c'est toute une entreprise, en fait, qui va s'organiser autour de Bulle, mais autour aussi des 4 auteurs avec lesquels on travaille, les illustrateurs aussi. Donc, on commence à être une belle grosse équipe. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que on travaille pour le moment encore avec des gens qui font partie de la relève, là, beaucoup, là, des gens qui en sont leur première BD, des gens qui écrivent pour sans dire les noms parce que ça viendra au cours de 2015, mais des gens qui ont pas l'habitude de travailler pour la BD, qui travaillent pour des scénarios télé, habituellement des affaires comme ça, qui vont explorer le médium BD avec nous. Donc, on est vraiment content de ce qui semble se dessiner devant nous. Et en parallèle, mais il y a toujours Bulle aussi qui continue de se dessiner. On commence donc avec le quatrième tome, le deuxième cycle, donc la deuxième trilogie. Ça s'appelle L'Éclosion, ce quatrième tome-là. Et c'est vraiment en fait dans la suite logique. Au tome 3, c'était le premier zombie. Là, c'est la première propagation, donc c'est la ville de Québec qui est engloutie, si on peut dire. Ouais, là, voilà, la ville de Québec sera plus capable de, ben, en fait, va essayer, hein, de contrôler ce virus-là qui éclose sur la rive sud de Québec, donc sur la rue Wolfe à Lévis. Mais rapidement, les autorités vont faire face à la virulence de cette problématique-là, puis les autorités vont être vite débordées. Puis on a fait nos recherches, hein, pour écrire ce tome-là, puis pour écrire toute la série. Donc on a étudié, là, les plans d'urgence, la direction de santé publique de la ville de Québec, de la province, puis du Canada aussi. Puis je mets au défi n'importe qui de faire ces recherches, puis de savoir si c'est réaliste ou non, parce qu'on se rend vite compte en étudiant ça qu'il y a des failles, là, c'est sûr, là, étant donné que c'est géré par des humains, ces plans d'urgence-là, ben il est normal que, en tout cas pour une situation comme la nôtre, pour celui de la grippe Z, en fait, que ça se répande aussi rapidement. Alors, c'est le Canada, selon tes analyses, Jean-Philippe Bergeron, n'est pas prêt à affronter une attaque de zombies, non, une infection zombiesque. Et d'ailleurs, en fait, on le rappelle, la série explore beaucoup l'angle psychologique aussi autour des zombies. C'est pas de la grosse action. Il y a un rythme délibéré qui est pas si rapide que ça non plus en dehors de certaines séquences très d'action. C'est toujours l'angle psychologique qui est préconisé. Ouais, voilà. Ben dans les trois premiers tomes, c'était clairement ça. On était vraiment dans les personnages. Puis encore là, on va rester très ancré dans l'émotivité de nos personnages. Mais je dois dire que dans le deuxième livre, là, qui commence avec le quatrième tome Éclosion, le deuxième livre Contagion, mais là il va avoir plus d'action évidemment parce que là on est vraiment dans l'épidémie, là, l'éclosion de l'épidémie. Donc, mais on va tout continuer à suivre Sophie, Vincent, Bobby puis Hélène puis comment qui gère ça, parce que faut rappeler, hein, ben tu l'as dit tout à l'heure, il y a 13 tomes, il va avoir 5 phases dans le fond, les 13 tomes se rassemblent en 5 livres. Puis ces 5 phases là, ces 5 livres là, mais c'est autant de rythmes différents, donc c'est une histoire épique, hein, fait que ça va être plusieurs rythmes à travailler différemment. Plusieurs rythmes, et en parallèle de celui de l'édition, parce que l'année prochaine, de ce que j'en comprends, donc il y a 4 livres pour 2015-2016, en plus, il y a les 2 tomes de Bulle par année, donc ça va vous faire déjà une première année potentielle à 6 albums. Là, à cette année, il y a plus de livres qui vont sortir en 2016, là, on aurait un titre qui, si tout va bien, va sortir, un titre qui n'est pas des nôtres, là, donc on va avoir 2 tomes de Bulle plus un titre à la fin 2015, ce qui fait qu'il y aurait 3 titres en 2015, puis en 2016, là, c'est là où est-ce qu'il y en aurait pas mal plus. Ça sera l'éclosion. Oui, c'est ça, l'éclosion de titres chez Berber. Mais oui, c'est plein de défis, mais on a un beau bilan là, jusqu'à présent. Mais Jean-Philippe Bergeron, on continue de suivre tout ça, évidemment. Je rappelle que tu es donc de la maison d'édition Berber 1313 et que vous venez de lancer le tome 4 de Bulle. Ça s'appelle L'Éclosion. Et on se dit à la prochaine. Oui, à la prochaine. Et voilà, toujours dans la 8-bit, la formation Psylodump avec leur album Metronome Nom Nom. Et au bout du fil, on rejoint nos commentateurs BD. Stéphane Gravel, bonjour. Hello. Ça va bien? Oui, bien sûr. Et Stéphane, en fait, évidemment, on est dans notre marathon de lecture de fin d'année. On aura sûrement l'occasion de se reparler coup de cœur l'année prochaine. Mais d'ici là, cette semaine, deux albums auxquels tu t'intéresses. On commence peut-être avec Texas Cowboys? Mais ça, c'est vraiment trop moi. J'adore le western. Puis Texas Cowboys de Bonhomme et Trondheim, là, c'est vraiment très très très très bon. Moi j'aime ça beaucoup. C'est fait un petit peu sur la base de feuilleton. Ça paraît dans le journal Spirou, là, un peu comme un petit comic book de 8-10 pages à l'intérieur du journal Spirou à chaque semaine, là. Puis il y a vraiment un petit côté feuilleton, c'est très lent, on se sent un peu comme si on était dans une série télévisée, et on a tous les codes là du western qui sont bien campés, qui sont bien amenés, les personnages sont assez extraordinaires. C'est une série que j'aime beaucoup. On en est, je pense, au tome 2, je me trompe pas, de cette série-là. Et puis c'est toujours aussi bon. Faut dire que Trondheim, quand même, c'est pas le dernier venu, là. Oh non. C'est vraiment quelqu'un qui est assez fort et qui est assez bon dans. Il y a un genre d'humour qui lui est propre. Puis là-dedans aussi, écoute. Je semble un peu me chercher en parlant, oui, parce que c'est quelque chose d'assez, à la fois assez simple, sur lequel on pourrait rien dire, juste dire c'est un excellent western et on a l'impression qu'on embarque dans une grande série. Si on aime le western, on y va et on lit. Mais il y a un petit côté Trondheim aussi qui est un peu qui me rappelle un peu les aventures de Lapino en Patagonie que Trondheim avait fait au début. C'est un album de plusieurs centaines de pages. Trondheim s'était dit je vais apprendre à faire de la bande dessinée en faisant de la bande dessinée. Et il avait commencé à dessiner ce personnage-là de Lapino et il en avait fait une bonne brique qui était parue chez l'association, là. Donc on dirait que les personnages construisent au fur et à mesure l'aventure qu'ils vont vivre. Oui, puis en fait, c'est fait de manière très, très instinctive. On le voit aussi, par exemple, à travers les donjons ou à travers Ralph Azam. Donc, en fait, Trondheim s'est mis, on dirait, se donne un malin plaisir avec ses acolytes à créer justement des sagas, mais qui se construisent au fur et à mesure qu'il imagine cette histoire-là avec justement, dans le cas de Mathieu Bonhomme, avec... En tout cas, on a l'impression que c'est ça. Mais j'ai l'impression aussi que c'est plus travaillé que ça, parce que c'est quand même pas mal solide, là. Ouais. Puis Bonhomme, il y a un dessin qui est superbe. Fait que c'est une bande dessinée dans laquelle on embarque puis qu'on a vraiment un plaisir coupable, je pense, un plaisir de western. Puis je suis toujours fasciné, moi, par ce phénomène-là des Européens qui s'amusent à faire quelque chose d'extrêmement américain, c'est-à-dire qu'on essaie de nous raconter cette légende-là, la légende de l'Ouest. Ça donne un petit effet toujours un peu western spaghetti aussi, là, c'est sûr. Mais c'est tellement bien, les dialogues sont tellement beaux, c'est vraiment une série extraordinaire. Oui, effectivement, en fait, c'est du bon Trondheim et du bon Mathieu Bonhomme. Ouais, c'est donc, du bon, je pense. Oui, ouais. Exactement. on passe à l'autre titre, peut-être, Cavalera. Là, c'est complètement déroutant. Moi, Charles Burns est un auteur américain de l'underground qui fait des choses qui sont assez... c'est assez spécial ce qu'il fait. Dans l'aventure Calavera, ben c'est une trilogie là qui a commencé par Toxic qui est paru chez les éditions Cornelius. Et là on continue dans cet univers là qui est une espèce d'univers où il y a un mélange de fiction, de réalité et aussi un mélange de souvenirs réels ou de souvenirs fantasmés avec des personnages qu'on n'est pas capable, que moi je suis pas capable de définir lequel est fictif et lequel est réalité, et ça crée un climat qui est assez exceptionnel. Et puis une lecture très très active nécessairement aussi, parce que le lecteur est constamment interpellé à essayer de comprendre, de construire sa perception de cette histoire-là. Écoute, c'est complètement fou comme bande dessinée. On essaie d'attacher. On est actif parce qu'on essaie d'attacher tout ça, on essaie de comprendre tout ça. Moi, je soupçonne le monde réel comme étant le monde qui me semble le moins réel dans la bande dessinée. Et puis que le monde qui lui semble réel et le monde est un monde fictif de ce monde irréel là. En tout cas, c'est un peu fou. C'est une BD qui se rapproche, bien sûr, d'un monde onirique, d'un monde de rêve. Mais Charles Burns, lui aussi, il y a un dessin qui est spécial. Il y a un dessin qui est à lui. Il n'y a pas un dessin underground typique du que je pourrais appeler agressif. Là. C'est-à-dire qu'il y a un dessin, il est probablement le mot le plus conventionnel des underground dans son dessin, mais dans son écriture, dans son scénario, on est un peu dans la tête de John Malkovich là, et on est un peu dans un scénario à tiroir qui est un peu fou. Puis mais son dessin est très très très beau et les éditions Cornelius, je trouve qu'ils font de très beaux livres avec cet album-là. À lire les trois, à lire la trilogie, parce que d'arriver comme ça dans Calavera, je suis pas sûr que on est capable de situer quoi qu'on pourrait les lire dans le désordre, puis l'histoire pourrait être aussi intéressante. Tellement que c'est fou. Et j'en profite pour mentionner aussi, Stéphane, si les gens ont envie des fois d'essayer au hasard un peu dans des sélections traduites, les éditions Cornelius font un très, très beau travail de sélection de titres d'édition là-dessus. Je veux dire, à chaque fois, j'en dirais que je suis toujours agréablement satisfait de la lecture qu'ils me proposent. Ben, si je prends cette bande dessinée-là, je me demande si c'est pas plus belle qu'en anglais, là. Hein, avec la couverture, le dos toilé, la densité des couleurs, la densité du dessin. Écoute, ils font un travail qui est extraordinaire, comme ils font du côté du manga aussi là. Et ils font des traductions qui sont superbes là. Faut sauter là-dessus, faut s'amuser quoi. Oui, et Cavalera, est-ce qu'on dit que c'est un must si on permet l'anglicisme? Ah oui, c'est un must. Ah oui, c'est un must. Je pense que la bande dessinée, cette bande dessinée-là est en nomination, je crois, à Angoulême cette année, je suis pas sûr. Ou sinon, elle a été en nomination pour le prix des critiques de bande dessinée. Et pour cause, parce que c'est un scénario qui est extrêmement complexe, mais bien ficelé et très intéressant. Ah oui, un must. Alors voilà, deux belles suggestions, donc Texas Cowboy et Calavera, donc deux suggestions de Stéphane Gravel, et nous on se dit ben, à l'année prochaine. Ah oui, déjà. Hein? On est déjà rendu là. Stoppez-moi ça ce temps-là. Et salut bien. Merci, bye. Voilà donc Stéphane Gravel et ses commentaires BD. Et nous, on va prendre une courte pause. On se retrouve dans deux petites minutes et à venir, Marcy et Colis 22 et les commentaires BD de Marco Duchesne. Ludo Lalu. Lily le lit. Oh, merci. Lucas le lira. Grâce à la lecture en cadeau, des milliers d'enfants défavorisés auront accès à un livre neuf, souvent pour la première fois de leur jeune vie. Achetez un livre jeunesse et déposez-le dans une boîte prévue à cet effet dans une librairie participante. À la Fondation pour l'alphabétisation, nous croyons que qui a lu, lira. Plus de détails sur lecturencadeau.org. Je voudrais vous remercier de m'avoir supporté. Grâce à vous, j'ai pu soulever la coupe et y boire de nombreuses fois. Puis là, ben, je peux me retirer un vrai gagnant. Si, c'est là, chez nous. Faites un choix triomphal avec l'Opération Nez Rouge qui remet vos dons au sport et à la jeunesse. Si vous avez les facultés affaiblies, appelez un ami, un taxi ou le 1-866 Desjardins. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. Qui me tuera? Où est l'homme invulnérable, capable de tourner contre moi son épée sans lui-même y trouver la mort? Il est tout près de toi, devant tes yeux. Vois-tu mon bras? Je le vois. Mais c'est celui d'un lâche, qui tient trop à la vie depuis qu'il est roi. Si je suis si lâche, pourquoi viens-tu me combattre avec une nombreuse armée? Encore une fois, je te réclame le sceptre et ma part de royauté. Tu n'as rien à me réclamer. Ce palais est à moi et j'y reste. Les Phéniciennes. Un texte d'Euripide dans une mise en scène de Lorraine Côté. Présenté au Théâtre du Conservatoire d'art dramatique de Québec du 7 au 14 décembre. Réservation au 418-643-9833. Pour une troisième année, la Ligue québécoise l'Impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. L'Impro BD, c'est un spectacle unique unissant jeux, dessins et musique où tout est mis en place pour tirer le maximum du talent et de l'imaginaire des joueurs. Prochain match, Dimanche. Dimanche 18 janvier, 20h, au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5 $. La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat au Théâtre de la Bordée, au 315 rue Saint-Joseph-Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. CKRL 89.1. Vous êtes toujours sur les ondes de CKRL 89.1, l'émission La vie en BD se poursuit. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com/lavieenbd. Vous pouvez également me lire sur voir.ca, donc voir.ca/Raymond-Poirier. Alors, on poursuit les regards sur des parutions récentes. Il y a quelques semaines, eh ben, il y a Colis 22 aux éditions La Pastèque qui est arrivé. Donc, une bande dessinée de Marcy qui nous avait donné en 2009 Miamiam Fléau. Donc, c'est un peu un retour avec, évidemment, bon, un blog BD entre les deux, une participation collectif, entre autres choses. Mais donc, on le retrouve, si on peut dire, avec un album en bonne et due forme, avec ce titre. Et il est avec nous en studio pour nous présenter tout ça. Merci, bonjour. Bonjour. Et je disais, en fait, retour d'une pause ponctuée, certes, de différents projets, mais d'une pause album aussi de quelques années. Oui, mais quoi que... Colis 22, c'est un album qui m'a pris pas mal de temps, quand même, à faire. Là, j'irais un bon 3 ans. De travail. Il y a beaucoup de recherches visuelles, hein, quand même, dans cet album-là, à Québec. Prendre des séances de photos, même dans le Château Frontenac, j'ai pris quand même une séance de photos aussi, avec permission, bien sûr, là, dans le Château Frontenac, pour vraiment bien asseoir l'album visuellement. Même Limoilou, Saint-Sauveur, un peu tout... une partie, en tout cas, des quartiers de Québec. C'est certain que j'aurais aimé ça, aller un peu partout, Beauport, faire le tour, mais ça, ce sera peut-être pour un prochain album, une suite à Colis 22. S'il y en a, c'est sûr. Et qu'est-ce que vous avez donné envie, justement, d'ancrer cet album-là dans la région, dans la ville de Québec? Ah, ben, moi, je trouve que Québec, c'est une ville qui est quand même très... peut-être cinématographique, mais même je dirais, il y a quelqu'un qui m'a dit, puis j'ai beaucoup aimé ça, c'est que au bout de chaque rue, il y a un point de vue à Québec, il y a une perspective. C'est vraiment si on est dans la basse ville, on voit la haute ville. Si on est dans la haute ville, on voit la basse ville, on voit le fleuve, on voit le centre-ville. Il y a toujours quelque chose qu'on peut voir au bout des rues. Je trouve que c'est une ville vraiment qui est, je dirais, un peu sous-exploité à ce niveau-là. Puis moi, je suis en amour avec Québec. Dès que je peux venir, dès que j'ai l'occasion de venir à Québec, je manque pas une occasion, puis je viens, puis avec mon épouse, on aime se promener, puis regarder, on se fait des amis, tout ça. Puis c'est vraiment un côté, je trouve que chaque quartier a sa saveur, sa force visuelle, puis... Moi, je viens de Magog, j'ai été élevé à Sherbrooke, on pourrait dire Sherbrooke aussi, bon, c'est une ville en côte, puis tout, puis qui a ses points de vue, mais je trouvais Québec qui était aussi une ville, j'avais besoin d'une ville qui était quand même une certaine dimension, pour asseoir cette histoire-là, qui est un thriller comédie policière que j'aime. Oui, je voulais dire un polar à la limite aussi. Oui, quand même un polar, une histoire, il y a des meurtres, il y a des toutes sortes de trucs qui amènent vers le polar, il y a une intrigue, puis bon, ben, ça se passe dans le monde des messagers, cyclo-messagers, qu'on dit, à ce qui paraît. C'est sûr qu'une ville avec des côtes, hein, quand t'es un cyclo-messager, ben ça apporte de la fatigue, ça apporte des accidents, ça apporte toutes sortes de trucs. Même si c'est pas une histoire que je dirais qui est qui a une action sans arrêt là. C'est pas, il y a pas de l'action, de l'action, de l'action, de l'action. Puis ça arrête pas. Il y a quand même des il y a que le côté humain que j'ai voulu mettre là-dedans aussi, là. La relation entre la bande de jeunes. Oui, puis à la limite, en fait, j'aurais presque envie de dire, c'est cette dynamique-là, le côté humain devient la colonne vertébrale de l'album, puis autour de ça, il y a un peu le polar, il y a un peu la conspiration, mais c'est vraiment, c'est l'humain qui est au cœur de ces oui, pages-là. Oui, c'est une bonne façon de voir les choses, justement, que ce côté... moi, j'aime bien développer quand même les personnages, surtout que c'est... bon. Faut le dire, c'est la première fois que j'ai inventé ces personnages-là, donc faut leur donner un caractère, faut les faire connaître aux lecteurs. Donc c'est beaucoup l'idée de dire ben je mets peut-être plus de l'avant dans le fond l'idée de les faire connaître, de les de montrer bon tel personnage bon il y a tel caractère, tel autre caractère. Puis ben par la suite c'est sûr qu'il y a l'intrigue qui tourne autour de ça plus peut-être même que la relation entre les personnages tourne autour de l'intrigue. C'est plus l'intrigue, oui, c'est une bonne idée, c'est une bonne façon de voir ça. Moi à mon avis, bon, à mon avis c'est sûr, moi je suis l'auteur, donc c'est sûr, mais je trouve pas ça, je trouve que ça a un intérêt certain. Ça, c'est sûr, oui. Et en même temps, ben, ça permet justement, on passe de séquences, comme vous disiez, de poursuites, de courses, oui. Des séquences rapides avec des moments plus lents aussi. Et en parallèle, dans la manière aussi d'agencer les pages, en fait, c'est toujours difficile des fois à décrire. En fait, j'incite les gens peut-être à aller la feuilleter. On va voir, vous allez voir précisément de quoi on parle, mais chaque case est un... Chaque planche est un carré que vous subdivisez de manière différente ensuite, selon oui. Le rythme à donner à la séquence aussi, selon... mais toujours en gardant un carré très plein, là. Il n'y a pas, oui. Y a pas de d'espace blanc laissé, etc. Oui, j'y vais pas là, selon la manière, on dit ce qu'ils appellent la nouvelle BD, les Christophe Blain, David B., bon, eux autres sont très, sont retour purisme, puriste, c'est-à-dire où on a la case, vraiment la ligne, la case, il n'y a pas de case... qui prend peut-être deux étages ou des trucs comme ça. Tandis que moi, c'est vraiment comme une espèce de patchwork. Un anglicisme, patchwork. Mais bon, la page est, comme vous dites, pleine. Puis, mais chaque case prend un espace un peu irrégulier. Bon, c'est pas... en souhaitant que ce soit quand même lisible, qu'on suive bien l'histoire quand même. Ça impose un rythme qui est intéressant justement pour le lecteur. On passe plus rapidement, plus lentement, on voit des séquences en temps. Il y a un moment où vous introduisez par exemple une dame filiforme, eh bien, on la voit sur une case un peu plus longue pour bien saisir l'esprit. Exactement. C'est que la case devient un peu comme un langage aussi. Hein. La case parle... c'est sûr que quand on se donne le... on est obligé de prendre une case un peu comme Hergé. Bon, ben, il prend la case, il la fait pas éclater. Bon, il est obligé de quand même de rendre son histoire dans un contexte d'une case très simple, très très linéaire. Tandis que moi, ben, je l'étire dans tous les sens, dans la hauteur, dans la largeur, mais en espérant quand même et en souhaitant beaucoup que la lecture se fasse très bien. Oui, puis en variant aussi à travers ça les plans pour nous immerger soit dans l'action, soit très près des protagonistes, sinon des plans des fois de haut, etc. Oui, donc, oui. Il y a un beau travail en fait de mise en scène, je trouve, en fait, de dans ce récit-là. Oui, ben ça, c'est vraiment quelque chose que je travaille beaucoup, oui, au niveau de ces, justement, ces plans-là en plongée, contre-plongée, j'imagine que ça participe quand même beaucoup aussi à la dynamique de l'histoire. Sans dire que bon, c'est un thriller, ben tout ce côté-là plongé, ben ça parle, hein. C'est vraiment une technique qui parle, qui va donner dominant, tout ça. Donc c'est vraiment... puis ça aussi, je m'amuse, hein? Je m'amuse en faisant ça. Bon, c'est sûr que, comme je sais qu'il y a une page, les gens m'en parlent beaucoup de cette case-là. Une case dont les gens me parlent beaucoup, c'est une page, c'est un endroit où on voit la chambre de haut, Puis bon, les deux personnages sont couchés dans le lit, puis c'est vraiment la chambre prend toute la page. Ben ça puis c'est vraiment que les personnages sont dominés vraiment par la situation, puis le propos de toute façon dans cette page-là l'explique très bien. Mais moi j'ai pris un plaisir fou aussi en tant que dessinateur de faire cette case-là, de faire ce c'est un défi aussi en même temps. Et tout ça dans le contexte d'un album qui est de format quand même assez petit, c'est du 16x20. Est-ce qu'on est passé d'une image large qu'on a réduite ou on est passé plus on a exploité le format au dessin 16x20 et c'est ce qu'on a de choisi? Non, mais moi je travaille vraiment en petit, en très très petit. Je suis comme un moine. Hein, c'est moi je suis 14e siècle, 15e siècle. Vous auriez été à la maison. Ah oui, oui, c'est vraiment. Puis de toute façon, mon éditeur regarde ça, puis il dit, mais pourquoi tu travailles petit comme ça? Ben oui, mais moi aussi, je me la pose la question. Ça, ça demanderait peut-être une psychanalyse, mais je travaille en tout petit, puis même quand il s'agit de détails vraiment fous, je travaille en petit, après ça j'agrandis, puis après ça je trace. Donc le 16x20, c'est plus gros que le format que vous avez dessiné au départ? Oui, tout à fait. C'est en fait, dans une page 8,5x11, je rentre 4 pages. Donc ça veut dire que, puis même les formats en tant que tel, je divise pas ma page 8,5x11 en 4 parties égales. Là. C'est vraiment encore plus petit que ça. Donc je travaille en tout petit, oui, vraiment. C'est mon côté monastique, je pense, qui prend le dessus. Oui, parce qu'en même temps, je fais une parenthèse, dans la mesure où j'ai toute une section de questions, je m'étais dit qu'il faut parler justement du travail de détail qu'il y a là-dedans, et j'ai l'impression que le fait que ça soit fait en plus petit, ça rend le travail de détail encore plus ahurissant, parce que du détail dans cet album-là, il y en a, les cases sont pleines, sont riches, c'est précis aussi, oui. Dans le choix, dans le réalisme que vous essayez de rendre aussi à travers ben, ça. Ça, c'est mon côté, je sais pas, Marcy, il est comme ça, là. Je parle de moi à la troisième personne, mais... Mais je suis comme ça. C'est vraiment, j'aime les détails. C'est pointilleux. Vraiment, j'ai toujours été comme ça dans tout ce que je fais, dans tout travail que je fais. J'adore le vraiment là. En fait, là, il s'agissait de Québec, donc c'est de très bien rendre Québec les détails justement des édifices, même si la ville en fait change hein, quand même, c'est de me dire, d'ailleurs au début je dis bon, que ça se passe en 2010, c'est pas pour rien, c'est parce que une ville ça change, une ville c'est pas, pour moi une ville c'est pas un personnage, il y en a qui disent qu'une ville ça va être un personnage d'histoire, pour moi c'est pas un personnage, comme un comédien dans le fait, une ville, parce que un comédien hein, quand on le prend 5 ans plus tard, il a changé. Un personnage, tu l'inventes, Tintin et Astérix, quand on les voit au bout de 10 albums, ben ils ont pas changé, ils se sont pas transformés nécessairement. Tandis qu'une ville, moi je regarde Québec, je regarde les dessins que j'ai faits, ben c'est incroyable, hein, les condos qui poussent, puis des choses qui ont été rasées complètement. Bon, j'ai situé mon action dans le bout du nouveau Colisée. Ben, ça a pas mal changé. C'est complètement changé. Ça a pas... Au début, je me disais, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Il va falloir que je change ça. Il va falloir que je redessine. Mais non, je me suis dit, bon, ben ce sera un témoignage peut-être de l'histoire. Même le Château Frontenac, ils ont fait des rénovations. Ils ont complètement... Et ce qui est intéressant, c'est de mettre en parallèle justement cette attention, ce réalisme, ce goût du détail avec un univers bon qui est exploité de manière, j'ai l'impression, un peu déjantée aussi par moments. Bon, la compagnie de messagers Système So, des messagers au nom de planète qui se la jouent un peu science-fiction avec une mythologie conspirationniste assez particulière aussi. Donc ça vient trancher ou ça vient enrichir, si on peut dire, le côté très très réaliste. Ouais, le côté un peu étrange dans le fond de mais encore là, je m'amuse. Ça, j'irais pour Système So, je m'amuse, j'aime beaucoup la science. Moi, je suis quelqu'un qui adore la physique, la chimie, l'astronomie. J'essaye toujours d'en mettre un peu dans mes albums, un tant soit peu, parce que dans le fond, il n'y en a pas tant que ça non plus dans cet album-là, mais j'en mets quand même un peu. Tandis que pour ce qui est le truc qu'on... voyons, la conspiration, ben on parle de qui? On parle d'Howard Hughes, on parle de cette espèce de folie-là, de même si on se dit, ben ça peut pas exister, quelqu'un comme ça, mais oui, ça peut exister, c'est quelqu'un qui est complètement dément, là, c'est... Puis en même temps, je veux dire, à la limite, on se pose plus ou moins la question dans la mesure où l'univers dans lequel il se trouve est tellement justement réaliste et précis qu'on est prêt à accepter n'importe quelle folie, oui, parce que, oui, je veux dire, les assises sont là. Oui, sont, tout à fait. Sont fermes. Ben oui, tout à fait. De toute façon, des gens qui ont des TOC, des troubles obsessifs compulsifs, ça existe. Ça nous est pas étranger, hein, puis on en parle de plus en plus. Donc, je veux dire, lui, c'est vrai, c'est un homme qui dirige une entreprise. Quand on parle du conspirationniste, ben c'est quelqu'un qui cette espèce d'homme d'affaires là, ben il est fou. Mais comme je reviens à Howard Hughes, qui était quand même qui demeurait dans sa tour d'ivoire, puis qui était complètement déjanté, ben c'est inhabituel, mais c'est possible. Moi, j'essaie toujours de demeurer quand même dans la mesure du possible. Là, puis en même temps, quand on est dans le polar, en terminant, mais j'ai l'impression qu'on se crée aussi une mythologie. Je veux dire, il y a un petit quelque chose, il faut mythifier un peu les enjeux qu'on propose. Oui, puis si jamais il y a une suite, hein, quand même, moi, j'aimerais ça être capable de peut-être des fois de reprendre des éléments, des choses, comme vous dites, mythologie, ben... des fois, une mythologie, ça nous suit, ça nous poursuit, ça nous, on y revient, on le ramène dans nos histoires, puis tout ça. Donc, j'aimerais ça, peut-être, si un jour il y a une suite, ben pouvoir peut-être ramener ça, justement, oui. Et si les gens ont envie de poursuivre l'exploration avec vous, ben évidemment, il y a le volume Colis 22, donc à la Pastèque, et les gens peuvent aller à votre rencontre demain à la librairie Vaugeois, donc une séance de dédicace un peu après 10 heures, qui est précédée, en fait, à 10 heures, où il y a un café juste à côté de la librairie, où là, il y a une causerie, où vous allez justement revenir sur certains des éléments qu'on a parlé dans l'entrevue. Grain de Soleil Café, il y a une causerie avec... Marie-Hélène Vaugeois et le groupe de la librairie Vaugeois. Après ça, il y a une séance de dédicace à la librairie Vaugeois. Puis tout le monde est bienvenu. Puis ça me fera très plaisir de parler avec eux, de montrer des originaux, de parler un peu plus de mes techniques et tout ça. Puis après ça, ben à la librairie, ben ça me fait toujours plaisir de faire une très belle dédicace. Je m'y donne à plein là-dedans. Et merci beaucoup d'être passé. Ben merci, puis c'est ça. Soit bonne santé à votre émission. Merci. Alors, je le rappelle, donc demain à partir de 10h à la librairie Vaugeois et au café Soleil, donc juste à côté, et Colis 22 donc est disponible aux éditions La Pastèque. Voilà, dernier extrait de la formation Psycho Prompt avec Métronome Nom Nom. Et avec nous, en fait, en studio, on est en compagnie de Marco Duchesne. Salut Marco. Hey, salut Raymond. Ça va? Oui, toi? Ça va bien. En fait, on est un peu dans, j'ai l'impression, le rush pré-Noël. Écoute, une avalanche de titres. Je sais pas pour toi, là, mais en librairie, je sais pas en tout, là, c'est Noël. C'est officiel. Non seulement c'est Noël parce que les gens débarquent pour les cadeaux, mais c'est Noël parce que c'est aussi, il est arrivé des nouveautés, mais des nouveautés. Écoute, même que j'ai calculé que un des titres est resté nouveau 15 minutes. Alors, Écoute, je vais faire un tour d'horizon un peu avec des coups de cœur, mais aussi qu'est-ce qu'il y a de nouveau et d'intéressant pour les nouveautés avant ce branle-banc de combat pour Noël. D'abord, un énorme coup de cœur vient de paraître chez Delcourt, un duo d'auteurs que j'aime beaucoup. D'abord, au scénario, Lupano, oui, connu pour Ses vieux fourneaux. En passant, le tome 2 est sorti. Des vieux fourneaux. Et la série est très appréciée de la critique européenne. Et toi, ah, mais ici aussi, on en a fait aussi, un best-seller, oui, chez Pantoute. Tout le monde, des libraires, des collègues, ont aimé. Mais entre autres, sur le plancher, tous ceux à qui je l'ai conseillé sont tous revenus nous dire que c'était vraiment une série vraiment le fun, où on riait, où on avait du plaisir à le... Et le tome 2 est un cran au-dessus du tome 1, rien que te dire. Donc, de ce scénariste, Lupano, avec un dessinateur qui s'appelle Panaccione. Panaccione fait des histoires sans texte. Une première était parue chez Delcourt qui s'appelait Mon ami Toby, où on voyait un chien accompagner son maître, toujours sans texte. Le chien suivait son maître partout. Bon, l'histoire n'était pas ça, évidemment. L'histoire était que le maître était un peintre qui voulait séduire une jeune femme qui se promenait sur le bord d'une plage. Mais tout ça par le point de vue du chien, qui était magique. Ensuite est paru un deuxième tome de cet auteur-là, qui est un deuxième album qui est paru, qui s'appelait Match. Et là, c'était un match de tennis, tous les points, point par point, tout le match au complet, d'un espèce de joueur un peu grassouillet et très exacerbé au niveau des émotions. Et vraiment, là, c'était vraiment drôle, mais vraiment le fun à suivre. Donc, ce dessinateur-là, plus Lupano, chez Delcourt, ça donne un océan d'amour, en couleur. Un album sans texte qui raconte une aventure épique. Un petit vieux, un petit pêcheur breton et sa bretonne, je soupçonne que c'est breton parce que la madame, elle a une coiffe sur la terre, là, et elle fait des crêpes à son mari le matin. Alors, on suit l'aventure de ce pêcheur qui, un matin, part à la pêche, à la nuit, il est encore nuit, il fait noir. Il monte sur son bateau avec son, il y a un matelot avec lui, son tout petit bateau, qui est pas très récent, on peut le pas. Et là, à un moment donné, sur la mer, il va y arriver une aventure. Il reste pris dans les filets d'un énorme bateau de pêche. Et là, il va être à la dérive, il va devoir se nourrir. Écoute, épique l'aventure. Mm-hmm. Parce que de l'autre côté, sa femme part à sa recherche. Elle va voir les autorités. Elle va voir une voyante. Elle monte sur un bateau de croisière elle sait qu'il va se rendre là où la dernière fois a été vu le bateau. Tout ça sans texte. Et ça marche, ça fonctionne, ça roule. Écoute, on se prend d'affection à la fois pour le pêcheur, tout chétif avec ses grosses lunettes, et on se prend d'affection pour sa femme, une grosse bonne femme avec sa... Elle garde toujours l'uniforme, là. Hein? Et je fais une parenthèse, en fait, Marco, dans la mesure où j'ai l'impression, une BD sans texte, quand elle est réussie, c'est hallucinant comme expérience. Oui. Quand c'est médiocre, on n'embarque pas, ça marche pas, mais quand c'est réussi, c'est... Et là, à ne pas confondre, parfois, les BD sans texte sont proches du dessin animé. Mm-hmm. Pas là. Ça reste de la BD. Ça reste une histoire racontée, une succession d'images qui donne l'impression de mouvement. Mm-hmm. Écoutez, c'est mon coup de cœur. Là, je t'ai énervé, hein? Oui. Oui, OK. Alors, ça s'appelle Un océan d'amour, Lupano, Panaccione, chez Delcourt. Mon deuxième coup de cœur, écoute, c'est un vieux coup de cœur qui, soudainement, j'ai le droit à un cadeau de Noël, c'est-à-dire un duo d'auteurs, François Scotton, Benoît Peters, qui ont créé l'extraordinaire univers des cités obscures chez Casterman dans les années 90. Un univers, écoute, hallucinant, les amateurs d'univers imaginaires, là, sans frontières, c'est ça. Chaque album, ça s'appelle Les Cités Obscures, chaque album est une ville. Et chaque album traite d'une particularité de l'urbanisme comme tel. Mon Dieu. François Scotton est architecte de formation. Alors, quand il travaille sur ces albums-là, les villes, on y croit, les villes ont de l'ampleur, les villes même ont ne sont pas les décors, les villes sont les personnages. Il y a une logique dans la planification urbaine, dans l'organisation. Chaque album est indépendant. Mm-hmm. Chaque album décrit l'univers comme tel, au point où, rendu au 8e ou 9e album, on avait le droit au Musée des Ombres. Ça s'appelait le Musée des A des Ombres, qui était l'objet, c'était un disque, un CD sur lequel il y avait une dramatique avec des personnages, des cités, et un catalogue des œuvres du Musée des Ombres. Et c'est tout, c'était... Mais en même temps, c'était de la BD parce que sur la dramatique, on connaissait les personnages. Donc, ce qui s'animait dans notre tête, c'était la BD. Donc, et ça faisait à peu près, je dirais, 8 à 10 ans qu'ils n'avaient pas fait d'album de cet univers-là. Et ils reviennent. Ça s'appelle « Au revoir Paris », tome 1. Alors là, la cité, c'est Paris en 2155, mais on ne voit pas Paris. Et on essaie d'imaginer Là, ici, c'est une jeune femme qui a décidé de s'embarquer sur un voyage, on pense, spatial. Mais c'est la jeune femme qui est à l'intérieur du vaisseau. On ne sait pas si c'est un vaisseau, un dirigeable ou autre chose, mais elle est là depuis longtemps et c'est son journal qu'on lit et elle veut revoir Paris. Elle s'imagine Paris, elle s'imagine la ville, qu'est-ce qu'elle est devenue. On voit en flashback qu'est-ce qu'elle était en 1155. Et là, à l'intérieur du dirigeable, il y a aussi des aventures parce que elle est confinée à sa cabine. Et là, et c'est à la fois onirique, féerique, c'est fantastique, c'est fantaisiste et c'est aussi merveilleusement dessiné, encore une fois, par François Skuyten. Écoutez, c'est mon cadeau de Noël. Et n'hésitez pas, il faut que ça le soit le vôtre aussi. C'est à ce point, faut pas le rater. Écoute, c'est magistral. Et d'ailleurs, il faut voir, à chaque album, François Skuyten expose. Et pour finir, écoute, un petit tour d'horizon. Comme je le disais, deuxième tome, Des vieux fourneaux. Le deuxième tome, toujours aussi drôle et hilarant. Et vient de paraître le tome 19 d'une série que moi j'aime bien, qui a fait sa place et qui en est à son 19e tome, c'est Largo Winch. Ces trailers, les trailers politico-suspense, toujours aussi efficaces, les filles sont toujours aussi jolies, et Largo Winch est toujours aussi cool. Tout ce qui lui arrive est être zen comme ça, là. Faut qu'il vante sa méthode. Et Marco, tu vas être avec nous aussi la semaine prochaine. Sélection de beaux livres pour les fêtes. Ah oui, écoute, là, si tu m'as pas vu danser sur une table, là, ça va être le moment. Alors, on se dit à la semaine prochaine et auditeurs, auditrices, on vous dit également à la semaine prochaine, Marco, merci à toi. Merci. Et c'était Raymond Poirier au micro. Je vous souhaite une bonne soirée sur les ondes du 89.1 CKRL. Dans quelques instants, ce sera Swing Out.